Chapitre 6. Les souvenirs de Bungay poursuivent Chateaubriand à Londres, l'image adorée de Charlotte partout présente à l'émigré. Il se considère comme la victime de son destin. Le type de René se précise dans son esprit, la lettre de René à Célutat, le mariage de Charlotte, une visite à Rider Haggard et un pèlerinage à Ditchingham Lodge, l'entrevue de Londres en 1822, mort de Mrs. Ives, mystère qui plane sur la fin de Charlotte. Qu'arriva-t-il à Bungay après mon départ ? Se demande Chateaubriand dans les mémoires d'outre-tombe. Il est à supposer qu'il n'essaya pas de le savoir, peu soucieux d'ébruter une aventure qui n'était pas précisément à son honneur et qui le laissait au surplus tout désemparé, tout meurtri. Puis, qu'avait-il besoin d'apprendre ce que sa conscience ne cessait de lui représenter ? Le bouleversement porté dans une famille qu'il avait traitée comme un fils, le désespoir jeté dans l'âme d'une enfant trop confiante qu'il n'avait éveillée à l'amour que pour la plonger dans la douleur. Combien il avait dû être pénible à une famille si digne de mes hommages, de mes respects, de ma reconnaissance, d'éprouver une sorte de refus de l'homme inconnu qu'elle avait accueilli, auquel elle avait offert de nouveaux foyers avec une simplicité, une absence de soupçons, de précautions, qui tenait des mœurs patriarcales. Je me représentais le chagrin de Charlotte, les justes reproches que l'on pouvait et qu'on devait m'adresser, car enfin j'avais mis de la complaisance à m'abandonner à une inclination dont je connaissais l'insurmontable illégitimité. Mais le regret d'avoir perdu Miss Ives lui était peut-être encore plus intolérable que le remords de l'avoir offensée. Depuis qu'elle n'était plus à ses côtés, il la retrouvait partout. Et deux fois exilée désormais dans Londres, il promenait à travers la ville, vaste désert d'hommes, une hallucinante nostalgie du paradisiaque désert de Bungay. Les lieux que j'avais parcourus, les heures et les paroles que j'avais échangées avec Charlotte étaient gravés dans ma mémoire. Je voyais le sourire de l'épouse qui m'avait été destinée. Je touchais respectueusement ses cheveux noirs. Je pressais ses beaux bras contre ma poitrine ainsi qu'une chaîne de lys que j'aurais portée à mon cou. Je n'étais pas plutôt dans un lieu écarté que Charlotte, aux blanches mains, se venait placer à mes côtés. Je devinais sa présence comme la nuit on respire le parfum des fleurs qu'on ne voit pas. L'image adorée de la petite provinciale du Suffolk le hantait, l'obsédait, le possédait, dominait sa pensée et sa vie. Pour la mieux revoir, pour l'évoquer sous des traits plus fidèles, il battait les environs de Londres jusque dans un rayon de 30 000, en quête de sites analogues à ceux que la compagnie de l'être aimé lui avait jadis rendus chers, une bruyère qui lui rappelait le Common d'Athenay, un chemin qui lui rappelait la route ombreuse d'Ilkett's Hall, une église qui lui rappelait la grande nef confortable de Sainte Mary, ou le pauvre sanctuaire délabré de Sainte Margaret. Et l'illusion, stimulant soudain dans son âme le désir de la réalité, 100 fois, nous dit-il, il fut tenté de retourner à Bungay, de s'aller cacher aux abords de Bridge Street, rien que pour voir passer Charlotte. À ses veilles studieuses, c'était encore Charlotte qui présidait. C'était sous l'égide de Charlotte qu'il plaçait non seulement l'œuvre en train, mais toutes les œuvres en gestation. C'était pour Charlotte qu'il se jurait d'être un homme illustre, afin de se la réconcilier par la gloire. Mais, en même temps, Charlotte le dégoûtait de tout ce qui n'était pas elle, car il ne pouvait se défendre d'en faire un perpétuel objet de comparaison avec les autres femmes, principalement, il va sans dire, avec sa femme, qu'il avait été si peu et qui ne l'était que trop, puisque sans elle, au lieu d'être à Londres le plus affolé des amants, il serait à Bungay, le plus fortuné des époux. Je maudissais mon mariage qui, selon les fausses perceptions de mon esprit alors très malade, m'avait jeté hors de mes voies et me privait du bonheur. Sa passion malheureuse fermentait dans son esprit comme un levain empoisonné, et il lui fallait faire d'amères réflexions sur sa destinée. Quel était donc le sort ennemi qui, depuis sa naissance, s'acharnait comme par décret spécial à la poursuivre ? Qu'avait-il jamais été qu'un instrument douloureux entre ses mains ? Et qu'était, somme toute, la catastrophe de Bungay, sinon le plus récent et le plus raffiné de ses coups? Le cœur de Charlotte en avait été brisé. Mais le sien à lui, Chateaubriand, quels affres uniques, ne souffrait-il pas? Et le bourreau, dans l'espèce, n'était pas plus à craindre que la victime. Victime lui-même du bourreau le plus implacable, la fatalité. Il se le persuada très vite, n'y étant déjà que trop encouragé par son farouche individualisme. Le mal inné des hommes de sa race, que toutes les particularités de son existence avaient conspiré à exacerber en lui. Il en vint à se concevoir comme une sorte de fléau de Dieu, doué d'un prestige fascinant et mortel, qui faisoit à la fois son supplice et son génie, semant les passions et les larmes, brûlant les cœurs, les dévastant si à fond que l'amour ne poussait plus où il avait passé. Ainsi se dégagea peu à peu dans son esprit le type de René. Il y était depuis des années en germe, sans doute, mais à l'état latent, et ce fut, je crois bien, la cruelle expérience de Bungay qui le féconda, lui donna forme, l'obligea de s'exprimer, même s'il ne devait atteindre que plus tard à toute sa maturité d'orgueil, de désenchantement et de satanisme. L'auteur des Mémoires nous raconte que, dans les premiers temps qui suivirent sa fuite, il écrivait à Charlotte de longues lettres qu'il déchirait. Peut-être, en effet, les déchirait-il, mais tenait pour certain qu'il en conserva les morceaux. On les trouve, Dieu merci, soigneusement utilisés dans les Natchez pour se faire une idée du ton de ces épîtres que la fille du pasteur ne lut jamais. Il suffit de parcourir la fameuse « Lettre de René à Celuta », dont les pages, quoique retravaillées, et si j'ose dire, violemment rénéisées depuis les jours de Londres, n'en ont pas moins gardé, en maint endroit, l'accent du texte primitif. Au désert, la 32e neige de ma naissance. Je comptois vous attendre au Natchez. J'ai été obligé de partir subitement, sur un ordre des Sachem. J'ignore quelle sera l'issue de mon voyage. Il se peut faire que je ne vous revoie plus. J'ai dû vous paroître si bizarre que je serai fâché de quitter la vie sans m'être justifié auprès de vous. Quelle nuit j'ai passé, Créateur, je te rends grâce. J'ai encore des forces, puisque mes yeux revoient la lumière que tu as faite. Sans flambeau pour éclairer ma course, j'ai roi dans les ténèbres. Mes pas, comme intelligents de même, se frayoient des sentiers à travers les lianes et les buissons. Je cherchois ce qui me fuit, je pressois le tronc des chênes. Mes bras avoient besoin de serrer quelque chose. Le sein nu est déchiré, les cheveux trempés de la vapeur de la nuit. Je vois y avoir une femme qui se jetoie dans mes bras. Elle me disoit « Viens échanger des feux avec moi et perdre la vie. Mêlons des voluptés à la mort, que la voûte du ciel nous cache en tombant sur nous. C'est Celuta, vous me prendrez pour un insensé. Je n'ai eu qu'un tort envers vous, c'est de vous avoir lié à mon sort. Une misère bien grande m'a ôté la joie de votre amour. C'est Celuta, vous pourrez chercher après moi l'union d'une âme plus égale que la mienne. Toutefois, ne croyez pas désormais recevoir impunément les caresses d'un autre homme. Ne croyez pas que de foibles embrassements puissent effacer de votre âme ceux de René. Oui, Celuta, si vous me perdez, vous resterez veuve. Qui pourra vous environner de cette flamme que je porte avec moi? Ces solitudes que je rendois brûlantes vous paroîtra glacée auprès d'un autre époux. Que chercheriez-vous dans les bois et sous les ombrages? Il n'est plus pour vous d'illusion, d'enivrement, de délire. J'ai tout ravi en te donnant tout, ou plutôt en ne te donnant rien, car une plaie incurable étoie au fond de mon âme. Ne crois pas, Celuta, qu'une femme à laquelle on a fait des aveux aussi cruels, pour laquelle on a formé des souhaits aussi odieux que les miens, ne crois pas que cette femme oublie jamais l'homme qui l'aima de cet amour ou de cette haine extraordinaire. Que ce soit ici un dernier adieu, ou que je dois vous revoir encore, Celuta, quelque chose me dit que ma destinée s'accomplit. Si ce n'est pas aujourd'hui même, elle n'en sera que plus funeste. René ne peut reculer que vers le malheur. Regardez donc cette lettre comme un testament. On sait avec quelle sévérité Chateaubriand vieilli jugeait ce testament de sa jeunesse. S'il y a dans les Natchez des choses que je ne hasarderai qu'en tremblant aujourd'hui, il y a aussi les choses que je ne voudrais plus écrire, notamment la lettre de René dans le second volume. Il est évident qu'il ne dut pas la relire à distance sans en éprouver quelque gêne. Mais peut-être nous paraîtrait-elle moins étrange maintenant que nous connaissons les circonstances où en fut rédigé le premier brouillon et les sentiments qui la dictèrent. Au reste, tout ne fut pas vaine prophétie dans cette juvénile et fastueuse déclamation. René n'avait pas tout à fait tort de prédire à l'authentique Celuta qu'elle serait longue à l'oublier. on peut soutenir que pendant 10 ans, elle porta son veuvage, puisque ce fut seulement en 1806 qu'elle consentit à recevoir les caresses d'un autre homme. Voici l'indication que l'on relève à cette date sous le numéro 149 dans les registres paroissiaux de Bungay. Samuel Sutton, de cette paroisse, et Charlotte Hives, également de cette paroisse, tous deux célibataires, ont été mariés dans cette église le 7 avril de l'an 1806 par moi, Peter Foster, ministre. Au bas de l'acte sont apposées les signatures de J. Hives, de Sarah Hives et des nouveaux époux. Celle de Charlotte est fine, nette et jolie. Elle a été bravement tracée par une main qui ne tremblait pas. Mais je serais bien trompée si, en devenant Mrs. Sutton, Charlotte Hives n'avait eu, tout au fond de sa conscience, un mélancolique retour vers le passé dans cette église de Sainte-Marie, où Chateaubriand l'avait accompagnée tant de fois, et où, s'il l'avait pu, c'est lui qui, 10 ans plus tôt, se fut agenouillé près d'elle pour entendre de la bouche du révérend Peter Foster cette prière de la bénédiction nuptiale. « Ô Dieu, unissez, s'il vous plaît, les esprits de ces époux et versez dans leur cœur une sincère amitié. Regardez d'un œil favorable votre servante. Faites que son joug soit un joug d'amour et de paix, qu'elle obtienne une heureuse fécondité. Faites, Seigneur, que ces époux voient tous deux les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e et 4e génération et qu'ils parviennent à une heureuse vieillesse. » Mais, en avril 1806, la pensée de Renée voyageait loin de Charlotte. Elle se détachait de Madame de Custine pour voler vers Madame de Mouchy. Samuel Sutton avait 20 ans de plus que sa femme. Il était officier de la marine britannique et devait y finir sa carrière avec le grade de contre-amiral. Dans les intervalles de ses navigations, il habitait à 1 mille environ de Bungay, sur la lisière du Norfolk, en pleine campagne, une villa désignée sous le nom de Ditchingham Lodge, qui dépend aujourd'hui des propriétés de Reader Haggard. Ce fut là qu'il installa sa jeune femme et que celle-ci résida désormais presque jusqu'à sa mort. Combien l'on pense, nous n'avons garde, mes amis et moi, de négliger ce pèlerinage, d'autant que le romancier populaire qui, dans un de ses délassements, écrivit « A famous year » aura peut-être quelques détails inédits à nous révéler. L'antique landau de Kingshead, après avoir franchi le pont de Bridge Street, traversé la vallée en écharpe et gravi un raidillon, nous dépose sur le sommet ondulé d'un coteau à l'entrée d'un beau parc où, derrière des pelouses moelleuses et des arbres opulents, se dissimule à demi un élégant castel moderne habillé d'une véritable fourrure de lierre. Nous sommes à Ditchingham House, chez l'auteur de Jess. Ô trapu, solide, chaussé de bottes, encore boueuse de sa chevauchée du matin, l'air d'un batteur de brousse égaré dans les lettres, le maître de séance nous accueille au milieu d'un vaste hall moyenâgeux que tapissent du parquet au plafond les trophées de ses chasses sud-africaines. Je mets la conversation sur le chapitre de Charlotte Hives, aussitôt Reader Haggard de donner libre cours à sa verve. « Charlotte Hives ! » s'écrie-t-il avec un léger zézément qui adoucit un peu la rudesse de la voix. « Ce que j'ai écrit sur elle est l'expression de la vérité. Son histoire était ici de notoriété publique. Je l'ai racontée d'après le journal d'une vieille parente à moi qui avait intimement connu Mrs. Sutton. » Le flirt si brusquement rompu de la fille du pasteur avec le réfugié français fut en son temps le sujet d'une infinité de commentaires dans toute la région. Et vous savez à quel point les commérages de ce genre ont la vie dure en province. D'ailleurs, Mrs. Sutton ne se cachait nullement de cette aventure où elle avait au demeurant joué le beau rôle. Au physique, Mrs. Sutton était, paraît-il, de taille moyenne, plutôt petite que grande. Ce qui frappait le plus en elle, c'était les yeux, qui décelait une âme intrépide et passionnée. Ses enfants tenaient d'elle. « Vous désirez visiter le lodge, dites-vous ? Vous le pouvez, mes locataires sont en voyage. Eh bien, lorsque vous serez dans le petit salon d'en bas, donnez un coup d'œil à la tache noire qui s'aperçoit encore sur le marbre blanc de la cheminée. Elle date de l'époque où les fils de Mrs. Sutton prenaient leurs leçons dans cette pièce. » Leur mère leur avait imposé pour précepteur un certain colonel X qui les menait à la baguette. Ils ne tardèrent pas à le détester cordialement. Une de ses postures favorites, quand il les faisait travailler, consistait à s'asseoir, le dos à la cheminée et les pieds sur la table. Ses élèves en furent si agacés qu'un jour l'un d'eux, exaspéré, lui envoya l'encrier à la figure, éclaboussant du même coup le marbre qui en est resté maculé. Ils le poursuivirent de leur haine jusque dans l'autre monde, comme vous le prouvera cette anecdote dont je vous garantis l'authenticité. Le dit colonel étant mort au lodge, Mrs. Sutton avait exigé qu'en récompense de ses services, il fût enterré dans la sépulture des Hives, au village de Ditchingham. Mais lorsque Mrs. Sutton vint elle-même à mourir, ses fils profitèrent de l'ouverture de la tombe pour enlever de nuit la dépouille exécrée de leur ancien mentor et l'enfouirent en hâte dans un trou quelconque du cimetière. Ah, ce n'était pas une famille banale, you know, cette famille Sutton. Et le romancier conclut, « Aujourd'hui, tous ses membres ont disparu, et sans doute ne prononcerait-on même plus son nom si Charlotte n'avait été aimée de votre Chateaubriand. » Nous le quittons là-dessus et nous acheminons vers Ditchingham Lodge. Au sortir de Ditchingham House, une petite route privée contourne la base d'une chaînette de collines assez abrupte, plantée de vieux arbres. La plus élevée de ces collines est couronnée d'un bouquet de pins aux fûts énormes dont les grands panaches sombres se balancent très haut dans le ciel. Ce sont les Vineyards Hills. À gauche s'étend le Common d'Outney, que prolonge la perspective presque illimitée des prairies. Dans le fond abrité, juste au pied du bois de pin, s'érige le lodge, une spacieuse maison de briques rouges à portique blanc, précédée d'un arpent de jardin. La gardienne, en l'absence des maîtres, nous en fait les honneurs. Partout les tableaux militaires et des portraits d'officiers. Dans le study, au-dessus de la cheminée, à la tache d'encre, préside un Kitchener en civil. La chambre à coucher principale a vue sur la savane, sur l'immense polder entrecoupé de canaux, où blondit de place en place une cime d'orme, et que domine vers le sud, de l'autre côté de la rivière, le promontoire de Bungay. Comme nous regagnons la voiture, Madame Gosling avise à la pointe d'une tige, dans un massif, une rose d'automne, encore fleurie, la seule du jardin, et demande la permission de l'accueillir. « The smell of Charlotte », dit-elle, en me donnant à respirer son doux et faible parfum. Quelle fut, en ces lieux retirés, l'existence de Mrs. Sutton ? Plutôt uniforme et terne, j'imagine, et fréquemment repliée sur le beau songe évanoui de sa jeunesse, il est à conjecturer que l'hiver elle séjournait le plus possible à Bungay, dans la nouvelle demeure où le ministre et sa femme avaient transporté leur pénate, peut-être dès le départ de Chateaubriand, et pour fuir une atmosphère trop imprégnée de son souvenir. C'est à dessein, je pense, qu'il l'avait choisie, cette demeure, dans le paisible quartier des cimetières, sur le bord de Trinity Street, où elle semble dormir derrière sa grille close, toute voisine de la cure de Sainte-Marie, dont elle a un peu l'aspect presbytéral. Le révérend John Hives ne vécut guère plus d'un lustre après le mariage de sa fille. Il s'alla reposer dans le Seigneur le 14 janvier 1812, à l'âge de 68 ans. Mrs. Hives, en revanche, eut le temps de voir grandir ses petits-enfants dont l'aîné Samuel, né en 1807, était déjà un adolescent quand elle mourut, le 19 septembre 1822. Notez cette date de 1822. Ce fut l'année même où Charlotte et René se revirent en terre anglaise. Et comme l'émouvante rencontre se fit certainement au plus tard dans la première semaine de septembre, puisque le 8 de ce mois, Chateaubriand s'embarquait à Douvres pour la France, Mrs. Hives, avant de rejoindre son mari dans l'éternité, put entendre des lèvres de Charlotte le récit de son entrevue avec l'ancien émigré dont le nom, peut-être, n'avait plus été prononcé entre la mère et la fille durant tout un quart de siècle, depuis la trop mémorable soirée de Bridge Street. Ce que fut cette entrevue, ou plus exactement cette série d'entrevues, Chateaubriand l'a dit en d'inoubliables pages qu'il faut transcrire au moins en partie. J'étais dans mon cabinet, on a annoncé Lady Sutton, sick. J'ai vu entrer une femme en deuil, accompagnée de deux beaux garçons, également en deuil. L'un pouvait avoir 16 ans et l'autre 14. Je me suis avancée vers l'étrangère, elle était si émue qu'elle pouvait à peine marcher. Elle m'a dit d'une voix altérée, « My lord, do you remember me? Me reconnaissez-vous? » Oui, j'ai reconnu Miss Hives. Les années qui avaient passé sur sa tête ne lui avaient laissé que leur printemps. Je l'ai prise par la main, je l'ai fait asseoir, et je me suis assis à ses côtés. Je ne lui pouvais parler, mes yeux étaient pleins de larmes, je la regardais en silence à travers ses larmes. Je sentais que je l'avais profondément aimé parce que j'éprouvais. Enfin, j'ai pu lui dire, à mon tour, « Et vous, madame, me reconnaissez-vous ?» Elle a levé les yeux qu'elle tenait baissés, et pour toute réponse, elle m'a adressé un regard souriant et mélancolique, comme un long souvenir. Sa main était toujours entre les deux miennes. Charlotte m'a dit, « Je suis en deuil de ma mère. Mon père est mort depuis plusieurs années. Voilà mes enfants. » À ces derniers mots, elle a retiré sa main et s'est enfoncée dans son fauteuil, en couvrant ses yeux de son mouchoir. Bientôt, elle a repris, « Je suis honteuse, excusez-moi. Mes enfants sont fils de l'amiral Sultan, que j'épousais 3 ans après votre départ d'Angleterre. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la tête assez à moi pour entrer dans le détail. Permettez-moi de revenir. » Je lui ai demandé son adresse en lui donnant le bras pour la reconduire à sa voiture. Elle tremblait et je serrai sa main contre mon cœur. Je me rendis le lendemain chez Lady Sultan. Je la trouvai seule. Alors commença entre nous la série de ces « vous souvient-il » qui font renaître toute une vie. À chaque « vous souvient-il » nous nous regardions. J'ai dit à Charlotte, « Comment votre mère vous apprit-elle » Charlotte rougit et m'interrompit vivement. « Je suis venue à Londres pour vous prier de vous intéresser aux enfants de l'amiral Sultan. L'aîné désirerait passer à Bombay. Monsieur Canning, nommé gouverneur des Indes, est votre ami. Il pourrait emmener mon fils avec lui. Je serais bien reconnaissante et j'aimerais à vous devoir le bonheur de mon premier enfant. » Elle appuya sur ces derniers mots. Je la revis 3 fois. À ma 4e visite, elle me déclara qu'elle allait retourner à Bungay. Cette dernière entrevue fut douloureuse. Charlotte m'entretint encore du passé de notre vie cachée, de nos lectures, de nos promenades, de la musique, des fleurs d'antan, des espérances d'autrefois. Elle se prit à pleurer. « Farewell, farewell, » me dit-elle, « souvenez-vous de mon fils. Je ne vous reverrai jamais, car vous ne viendrez pas me chercher à Bungay. J'irai, m'écriai-je, j'irai vous porter le brevet de votre fils. » Elle secoua la tête d'un air de doute et se retira. Chateaubriand n'obtint pas le brevet et ne parut pas à Ditchingham Lodge. Il commet une erreur en faisant mourir la mère de Charlotte avant le voyage de sa fille à Londres. Mais lorsque Mrs. Sutton revint auprès d'elle, Mrs. Hives n'avait plus qu'un petit nombre de jours à vivre. Le 24 septembre 1822, le grand-père de M. Adams consignait dans son livre de compte « Mrs. Sarah Hives, pour avoir sonné le glas 3 heures par jour, pendant 2 jours, 9 shillings, pour avoir figuré comme muet à l'enterrement jusqu'à Ditchingham, 9 shillings. » C'est en effet dans le cimetière de Ditchingham, et non dans celui de Sainte-Marguerite, que se trouve le caveau des Hives. Nous nous y sommes fait conduire, dans l'après-midi de notre pèlerinage au Lodge, pieusement désireux de nous incliner devant la tombe de Charlotte, avant de dire adieu à ce vert paysage d'East Anglia, où furent presque entièrement confinés ses destins. Une vieille église avec son enclos funèbre, une maison de pasteur avec son jardin aussi varié qu'un parc, c'est tout Ditchingham. Pas même un embryon de village comme à Sainte-Marguerite. On n'en a pas moins l'impression d'une paroisse riche, et jusque sous la pluie qui menace, dans les premières ombres du soir qui s'avancent, l'endroit reste exquis. Nous nous adressons au seul être humain qui puisse nous guider dans notre recherche, au clergyman, M. Scudamore. Il n'est pas d'âge assez vénérable pour avoir connu Mrs. Sutton, mais il se rappelle fort bien avoir ouï parler d'elle par son père, qui fut ici ministre avant lui et qui l'eut pour paroissienne. C'était, à ce que l'on prétend, une femme d'allure un peu excentrique, nous dit-il. Elle vivait très isolée, très renfermée. Elle avait la réputation d'être fière et vous dévisageait avec de grands yeux sombres dont on avait peine à soutenir l'éclat. Un pasteur de la région qui venait quelquefois prêcher à Ditchingham demanda un jour à mon père, « Ça, quelle est donc la vieille lady qui a son banc dans le haut de l'église, juste en face du prédicateur ?» Il y a dans le regard qu'elle attache sur vous quelque chose de si singulier et de si pénétrant que j'en ai failli perdre le fil de mon discours. La vieille lady n'était autre que Mrs. Sutton. En nous accompagnant au tombeau des Hives, qu'il a l'obligeance de nous indiquer, M. Scudamore nous réédite l'histoire des représailles posthumes exercées par les fils de l'amiral Sutton sur leur ancien précepteur. Seulement, d'après lui, c'est à la mort de l'aîné des 3 frères, survenue en 1850, qu'elles furent commises. Elles ne purent évidemment pas l'être à l'occasion de la mort de Charlotte, car lorsque nous arrivons devant le monument, nous y lisons bien le nom de John Clement Hives, celui de Sarah, sa veuve, celui du major Samuel Hives Sutton, son petit-fils, celui enfin d'un colonel James Capper, de l'honorable Compagnie des Indes, décédé le 6 septembre 1825, à l'âge de 82 ans. Le même peut-être que le colonel X de Raider Haggard, mais c'est en vain que nous nous appliquons à découvrir l'épitaphe de Charlotte Sutton. Il n'y a mention d'elle nulle part sur la pierre, pas plus que de son mari. Pour l'amiral, la chose s'expliquerait facilement. Il est assez dans la condition des marins de finir au large. Mais sa femme, où donc et dans quelles circonstances termina-t-elle ses jours qu'il ne lui ait pas été donné de s'endormir dans la couche de ses pères, pour emprunter le langage de Chateaubriand ? Celui-ci écrivait en 1839, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, « Un des deux beaux enfants pour lequel Charlotte m'avait prié de m'intéresser en 1822 vient de venir me voir à Paris. C'est aujourd'hui le capitaine Sutton. Il m'a appris que sa mère, très malade, a passé dernièrement un hiver à Londres. Succomba-t-elle à cette maladie et en quel endroit ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas enterrée à Ditchingham. Les registres de l'église confirment à cet égard le témoignage de la tombe. Ils ne présentent aucune trace de son décès. La nuit s'est faite, lourde de pluie et d'ombre, lorsque nous nous éloignons de ce cimetière où elle n'est pas, et, reprenant les chemins qu'elle parcourut si souvent, nous nous en allons, un peu déçus de ne savoir où la situer dans la mort, tristes aussi de penser qu'elle gît à l'écart des siens, en quelque ville de hasard, dans une sépulture inconnue. Chapitre 7. L'aventure de Chateaubriand et de Charlotte, exploitée par un poète anglais. La femme abandonnée de George Crabbe. Dernière relation de Charlotte et de Chateaubriand. L'adieu définitif. Persistance du souvenir de Charlotte dans la vie et dans l'œuvre de Chateaubriand. On le retrouve jusque dans les Martyrs. Place de Bungay dans l'histoire des lettres françaises. Fin. Sur sa vie même, il est vrai, nous n'avons guère pu projeter que des lueurs éparses, encore suffisent-elles, je pense, à démontrer que son roman d'amour avec Chateaubriand fut loin d'être une pure fiction. Produisons cependant une preuve nouvelle et assez inattendue. J'ai nommé plus haut George Crabbe, c'est proprement le poète du Suffolk. Né en 1754 à Aldborough, petit port du comté, nous avons vu qu'il a pris son rudiment à Bungay, et qu'il se maria en 1783 dans l'église de Beccles, à Miss Elmy, parente probablement de la femme de Ben Sparrow, cousine en tout cas de cet Inchman Crowfoot, qui fut élève de Chateaubriand. On sait d'autre part quel collectionneur attentif et minutieux il fut toujours des moindres événements de la chronique locale dont il composait ensuite son œuvre, toute nourrie de réalité. Or, il est un de ces contes restés manuscrits que M. Hushon, maître de conférence à l'Université de Nancy, analyse à peu près en ces termes dans la remarquable étude qu'il a consacrée au grand réaliste anglais. L'histoire a pour titre « La femme abandonnée ». Un étranger du nom de Frédéric a fait naufrage sur la côte d'Angleterre. Il reçoit l'hospitalité chez le squire Richard Vernon, lequel habite avec une jeune sœur, Mathilda. Épuisé, à bout de force, il tombe gravement malade. Mathilda le soigne, il s'éprend d'elle et s'en fait aimer. Et ce, au mépris de toutes les lois divines et humaines, car il est déjà lié dans sa patrie par un engagement indissoluble. Sa justification, à ses propres yeux, est qu'il ne croit à rien. Finalement, il épouse la jeune Anglaise, il en a même des enfants. Mais voici que ces quelques années de bonheur le ramènent de l'incrédulité à la religion. Il est en proie à des scrupules de conscience qui l'affolent. Brusquement, il disparaît, laissant les strophes suivantes pour expliquer sa fuite. « Soyez mon témoin, ô cieux, et vous toutes, puissance d'en haut, qui trônez dans la gloire sans borne et sans fin, c'est d'un cœur qui se brise que je parle d'amour, car à l'amour comme à l'espérance, je dois dire adieu. Lorsque je vins à toi, tu étais heureuse, aimante et aimée, une créature semi-divine, et je m'introduisis comme un larron pour t'apporter l'infortune, cependant que tu n'avais d'autre souci que de dissiper la mienne. J'étais sur un lit de malade, entouré, choyé, caressé, guéri de mes blessures, mais frappé au cœur. Faut-il que nous nous séparions ? Murmura la voix de la bien-aimée, et quelque démon aux écoutes répéta comme un écho. pourquoi vous séparer? N'es-tu pas mort comme tout le reste du monde, hormis pour les êtres que voici, les dévoués sauveurs de tes jours? Qui t'empêche d'épouser cet ange et de renier celle qui est présentement ta femme? Misérable que je suis de m'être si odieusement donné pour ce que je n'étais pas, quand j'avais devant les yeux la vertu, la vérité, la piété. Mes paroles, mes pensées, mes regards même ont été des mensonges. Il n'y eut de sincère que mon vœu, que ma passion. Insouciantes et joyeuses furent mes années d'incroyance, elles se sont évanouies, et j'en vois maintenant le triste revers. Je m'en vais, Mathilda, parce que ma paix s'en est allée. Ton cœur lui-même ne voudrait pas d'un sacrilège amour. Du jour où j'ai été convaincue que Jésus mourut pour l'humanité et souffrit pour le pécheur sur l'arbre maudit, mon âme se débattit dans une tragique alternative, ou perdre la suprême espérance, ou te perdre toi. Je n'étais qu'un faible et vain enfant lorsque je pris la main offerte d'une femme qui m'apportait avec elle son pauvre avoir. Alors, je m'enfuis sur mer et fis naufrage en votre pays, où je n'ai vécu que pour faire le malheur de ceux qui m'avaient arraché à la tombe. Et te quitter pourtant, quitter mon seul bien au monde, ma seule joie sur la terre, c'est trop dur, et plus que je ne puis supporter. Je ne veux plus vivre pour personne autre après toi, ne devant plus vivre pour toi, si tendre et si vrai. Je ne dois désormais faire don de mon être qu'à la toute-puissante volonté du ciel. Arrêtons-nous là. Monsieur Huchon, à propos de ce Frédéric, de cet étranger, mis en scène par Georges Crabbe, se demande, est-ce un Français? Je pense que, sachant ce que nous savons, la question ne se pose même plus, et qu'il n'y a personne parmi mes lecteurs qui n'ait déjà restitué à ce Français son nom véritable, Chateaubriand. Si le poète anglais n'était mort 16 ans avant la publication des Mémoires d'Outre-Tombe, ne jurerait-on pas qu'en écrivant ce conte, il avait sous les yeux le chapitre de ses mémoires, relatives à l'épisode de Bungay? Tout y est, l'arrivée chez les Havs du jeune émigré, naufragé moral, jeté sur la côte saxonne par l'ouragan de la Révolution, l'accueil familial que lui font ses hôtes, le silence volontaire qu'il garde sur son mariage, sa maladie, les soins que lui prodigue Charlotte, la voix du démon ou, si l'on veut, de la démone intérieure qui l'incite à aimer, la naissance et les progrès de son amour, de leur amour, enfin sa fuite. J'entends bien que Crabbe, en usant de son droit de conteur, a poussé les choses plus loin qu'elles n'allèrent, donne de cette fuite une explication à laquelle le Chateaubriand de 1796 ne pouvait songer. Remarquez toutefois qu'elle n'en est pas moins conforme à la psychologie du sceptique auteur de l'essai, devenu dans l'intervalle le fervent catéchumène du génie du christianisme. Jusque dans les sentiments qu'il interprète, le conteur reste fidèle à l'histoire. Comment l'aventure de la fille du pasteur vint-elle à sa connaissance? La réponse est facile. Rappelons-nous qu'il était pasteur lui-même, qu'il s'était certainement rencontré plus d'une fois avec les Ives, qu'il était lié avec Ben Sparrow, dans l'église duquel il avait souvent prêché, qu'il était apparenté aux Crowfoot, qu'il faisait chez eux de fréquents séjours, qu'il avait en un mot 1000 chances pour une d'être bien renseigné sur Beckles, et par Beckles sur Bungay. Mais s'il eut l'occasion d'apprendre ainsi dans tous leurs détails les amours de Charlotte et de Chateaubriand, tels, ou peu s'en faut, qu'elles nous sont rapportées dans les mémoires d'Outre-Tombe, c'est donc que, selon la parole de Reader Haggard, elles étaient de notoriété publique à Beckles comme à Bungay. Pauvre Charlotte, le cher et douloureux secret de sa jeunesse ne demeura même pas sa propriété. Il courut les salons, les assemblées rooms, et ce fut peut-être la vraie cause si elle ne se maria qu'assez tard avec un homme qui avait presque le double de son âge. Mais peut-être aussi le dépit qu'elle put d'abord concevoir de cette divulgation se changea-t-il par la suite en une flatteuse satisfaction d'amour-propre lorsque René, le René pour qui, par qui et pour qui elle avait souffert, se fut fait absoudre à force de gloire. Il y eut un jour où elle ne se souvint plus d'avoir été trompée, mais seulement d'avoir été aimée. Ce jour-là, elle exhuma d'un coffret où, malgré 16 ans de mariage, ils étaient encore des billets insignifiants de lui qu'elle avait religieusement conservés. Y joignit les plans d'études qu'elle n'avait cessé de relire comme un bréviaire, à en juger par les annotations dont elle avait couvert les marges du manuscrit. Et munie de ses reliques, escortée de ses deux fils, elle monta dans la diligence de Londres, au vu d'un chacun, pour aller faire à Portland Place la touchante réapparition que l'on sait. Charlotte avait tout à coup réapparu, comme cet astre, la joie des ombres, qui, retardée par le cours des mois, se lèverait au milieu de la nuit. Qu'elle eût été poussée à cette démarche par une ancienne amitié, comme le veut M. Schald, j'y consens. Mais au fond de cette amitié-là palpitait encore quelque chose qui se rappelait avoir été de l'amour. Elle rentra sans doute à Bungay toute rayonnante sous ses voiles noires d'une allégresse qu'elle ne chercha pas à dissimuler. Mais déjà, dès avril 1822, la nomination du vicomte de Chateaubriand au poste d'ambassadeur de France en Angleterre avait suffi, on le devine, pour donner un vert regain d'actualité à l'histoire de ses jeunes amours dans ce vieux coin de province où elle s'était déroulée. Les gens du Suffolk en devisèrent, selon toute probabilité, devant Crumb, « Parfaitement, Miss Haves et son réfugié. En a-t-on assez glosé dans le temps? Eh bien, le réfugié, c'était lui !» La matière était riche et dramatique à souhait. Crumb n'eut rien de plus empressé que de la mettre en œuvre. À la date significative du 16 juin 1822, il commençait à Hampstead le conte dont nous avons exposé la première partie, car il y en a une seconde, toute fictive cette fois, où le poète accommode le dénouement au gré de sa seule fantaisie de façon à contenter la morale et notre curiosité. M. Huchon la résume ainsi, il se fait missionnaire, tandis que Mathilda, plongée dans la tristesse, dépérit peu à peu. Bien des années s'écoulent, un médecin conseille à la veuve de se rendre dans le sud de la France pour s'y rétablir. Elle y rencontre son mari légitime maintenant que l'autre femme est morte, mais le climat de l'Équateur a miné le missionnaire, et les deux époux, sous la garde de Richard Vernon, passent ensemble les quelques moments qui les séparent du tombeau. Combien fut différente la conclusion du roman de Charlotte. Pourtant, elle vint en France, elle aussi, dans l'année même qui suivit les entrevues de Londres, et peut-être à la demande de Chateaubriand, ou du moins sur la foi du tendre intérêt qui lui avait de nouveau témoigné. Mais les événements n'avaient pas travaillé pour elle comme pour Mathilda. L'autre femme n'était pas morte, et lui, il était ministre, n'ayant Dieu d'oreille, de pensée ni de sentiment que pour la guerre d'Espagne, sa guerre. Elle tombait bien, la trop crédule voyageuse de Bungay, elle fut vraisemblablement reçue et congédiée à la va-vite, un peu comme une parente de province. Lui-même en fait l'aveu, par une de ces misères inexplicables de l'homme, préoccupé que j'étais d'une guerre d'où dépendait le sort de la monarchie française, quelque chose sans doute aura manqué à ma voix. Oui, ni l'accent, ni l'âme n'y étaient plus. Charlotte comprit et se retira, le cœur plus navré peut-être qu'au lendemain du premier abandon. Avant de regagner l'Angleterre pour s'y ensevelir à jamais dans le linceul du passé, nous savons par l'auteur des mémoires qu'elle lui laissa une lettre où elle se montrait blessée de la froideur de sa réception, et il ajoute « Je n'ai osé ni lui écrire, ni lui renvoyer des fragments littéraires qu'elle m'avait rendus et que j'avais promis de lui remettre augmentés. » À 15 ans de là, comme elle était presque aux portes de la mort, nous avons vu qu'il eut une dernière fois de ses nouvelles par son fils, et ce fut tout. Ce fut tout, je veux dire, qu'il n'entendut plus parler d'elle, mais il ne semble pas qu'elle soit jamais complètement sortie de sa pensée. 4 années avant sa fin, alors qu'il appliquait ses forces défaillantes à rédiger pour sa pénitence le pensum, d'ailleurs plein de traits admirables, qui s'appelle « La vie de Rancé », le nom de Charlotte se présentait encore sous sa plume. Le souvenir de cet unique amour de sa jeunesse plana jusque sur son déclin, douce lueur du passé, rose pâle du crépuscule, qui borde la nuit. Et il continuera de planer sur son œuvre, tant que durera cette œuvre, la fille du pays de Desdémone et de Juliette, qui, sous des noms divers, la remplit en quelque mesure d'un bout à l'autre, est assurée de vivre dans l'admiration des hommes. J'espère avoir suffisamment établi Catullus et Charlotte, et que les amours de deux sauvages dans le désert, s'ils eurent peut-être pour destination à leur toute première origine de peindre les ardeurs fraternelles de Lucile et de François-René dans le désert de Combourg, ne rencontrèrent leur thème essentiel et ne se fixèrent en leur forme définitive que lorsque l'amour, l'amour au singulier, l'amour sans épithète, eut fécondé le cœur et le génie de Chactas, retour d'Amérique, dans le désert de Bungay. C'est encore Charlotte qui, dans les Natchez, nous est apparue sous les traits de Celuta, dont le nom même est évidemment calqué sur le sien, C'est elle enfin qui, troisième et suprême incarnation, ressuscite sous le ciel grec pour suivre Eudore dans l'arène des martyrs. Oui, la fille du prêtre d'Homère, Cymodocée, aux beaux bras, Cymodocée, dont les cheveux noirs ressemblaient à la fleur d'hyacinthe et la taille au palmier de Délos, Cymodocée, nourrie par son père des plus beaux souvenirs de l'Antiquité dans la docte familiarité des muses, Cymodocée, habile à toucher la lyre, charme des infortunés mortels, et à faire entendre une voix mélodieuse d'une merveilleuse douceur. Cymodocée, de qui les yeux lancent des flammes, de qui le sein fait naître les désirs. Cymodocée, cet astre charmant, a surgi dans l'imagination du poète, non des clairs horizons de l'Arcadie hellénique, mais des lointains confus et vaporeux de l'Arcadie de Bungay. Les veillées patriarcales sous le toit de la Sténès nous ramènent aux soirées de Bridge Street. Est-ce Cymodocée ou Charlotte qui, s'apitoyant sur les infortunes du jeune voyageur, jouet des cruelles destinées, entrevoit soudain une nouvelle espèce d'homme, plus noble et plus sérieuse que celle qu'elle avait connue jusqu'alors? Est-ce l'exilé messénien ou l'émigré breton qui, lorsqu'un véritable amour s'est glissé en lui, s'étonne de la timidité de ses sentiments, si différent de cette hardiesse de désir, de cette légèreté de pensée qui portait jadis dans ses attachements? Et le père de Cymodocée lui-même, ce bon clergyman des siècles antiques, à qui l'on sert au repas une part trois fois plus grande que celle des autres convives, comment douter de son étroit cousinage avec l'homérisant et pantagruélisant vicaire de Sainte-Margaret Ilkeshall? Relisez seulement sa profession de foi. Il est vrai qu'au mon aïeul, le divin Homère, je passerai volontiers 5 et même 6 années à faire ou à écouter des récits. Y a-t-il rien de plus agréable que les paroles d'un homme qui a beaucoup voyagé et qui, assis à la table de son hôte, tandis que la pluie et les vents murmurent au dehors, raconte à l'abri du danger les traverses de sa vie? J'aime à sentir mes yeux mouillés de pleurs en vidant la coupe d'Hercule. Les libations mêlées de larmes sont plus sacrées. La peinture des mots dont Jupiter accable les enfants de la terre tempère la folle ivresse des festins et nous fait souvenir des dieux. Ces récits, accompagnés du crépitement de la pluie et du souffle des vents, c'est là-bas, si je ne me trompe, dans la confortable intimité de la maison de briques rouges, que le prêtre d'Homère et le fils de l'Asténès les ont d'abord échangés en les arrosant de grog et de vin de Porto. Il n'est pas jusqu'au décor de l'idylle grecque qui ne nous reporte en quelque mesure dans le cadre de l'idylle anglaise où, comme au pays de Dore et de Cymodocée, la vue s'étendait au loin sur des campagnes entrecoupées de collines qui dessinaient une corbeille de verdure de plus de 800 stades de tours, où, comme l'Alphée et le Ladon, la Wavenais serpentait dans les prairies à travers les vallées profondes plantées d'aunes et bordées par un amphithéâtre de montagnes dont la cime terminait le cercle entier de l'horizon. Où, mais à quoi bon multiplier les rapprochements? Ceux que je viens d'indiquer sont, je pense, assez explicites. Et maintenant, dirais-je, que je n'ai pas laissé derrière moi, sans une émotion profonde, cette seconde et dernière station de mon voyage au pays d'exil du grand enchanteur breton. L'une des phrases les plus éclatantes de l'histoire des lettres françaises eut son aurore dans cet obscur vallon de Bungay. À ce titre, il mérite sa place parmi les pèlerinages illustres. Ici, Chateaubriand connut son premier et peut-être son seul amour. Ici l'attendait la femme, longtemps appelée en vain, qui, même en lui échappant, devait donner un corps à ses songes. Ici son cœur reçut, au moment propice, la grande initiation douloureuse et féconde sans laquelle sa puissante imagination eût continué de travailler à vide. Ici il apprit à créer de la beauté, non plus avec des chimères, mais avec de l'humanité, avec de la souffrance, avec de la vie. Ici naquirent, d'ici s'élancèrent à la conquête des âmes, ces anges de passion et de mélancolie, Atala, Celuta, Cymodocée, idéale transfiguration de cette Charlotte, à qui j'ai tâché de rendre une justice tardive en montrant que ce fut elle qui les inspira. Ici se termine Au pays d'exil de Chateaubriand par Anatole Le Braz. Enregistré par Christiane Johanne.